Chérie, j'étais loin, je devais chercher la faille. On voulait être beau, comme les étoiles, les planètes. Mais loin du ciel, il caille. Si ça mitraille, beau gosse, le premier qui fait le héros, il voit pas demain. J'ai la mort gravée sur ma peau et ma cervelle flotte dans du venin. Je ressens une énorme comme la panthère. J'aimerais qu'à lâcher la terre entière. Les jours de mariage, je suis en Porsche. Les jours d'enterrement, je suis en pierre. Les oiseaux viennent du paradis, les flammes viennent de l'enfer. Et même si j'ai une oreille musicale, j'ai oublié ce que les anges me chantèrent. Wow, wow. Puis j'ai de noyer mes souvenirs dans la tête. Vous qui me brûle comme le soleil de Marseille. Si chacun son grand crouillard, chacun son cartel. Mais on est tous des enfants du soleil de Marseille. Faut pas nager là où t'as papier, mais faut y aller pour savoir que t'as papier. Bibi bitch, tous les jours je fais des papiers. Parce que pas sûr je devienne papy. Regarde-nous, on trie mon sourire. Mais combien t'es fils d'up, faut prévoir 3 guigui. Nègue, des tabacs sur un 8R, ça PR, 5R, ramène on le claque ton père. Attends mon frère, j'finis mon verre. Tu sais pas tenir, t'es déjà à l'envers. Car t'es pas terre, j'suis pas dans le bancaire. Même cueil à la mer, on a envie de prendre l'air. J'suis un vainqueur, moi comme Abdoul. Qu'on veut comme Zine, comme Boudjou. Ah ça y est, maintenant tu me tends la joue. J'suis niqué, fais l'impasse, c'est quand qu'on joue. J'lâche rien quand je tombe, moi je m'accroche. J'me balade pas avec un flingue dans la sacoche. Génération, on suspend, même si y'a rien dans la poche. Si t'esquives la droite, tu prendras la gauche, prends la droite. Puisqu'il y a l'équipe à gauche, ça gratte à pied, c'est la zone, moi ma biche. Que ça se plaint, mais y'a personne qui défauche. Ici un chien, ça veut se faire la biche. Tu fais des actions dans mon dos, après quand tu me vois, tu zus. Moi j'aurais pas pu, je sais pas comment tu fais. Tu fais des actions dans mon dos, après quand tu me vois, tu zus. Moi j'aurais pas pu. J'ai fumé la mode d'Ajax, je me suis retrouvé devant la BAC. Ça me contrôle sur ma ganache, j'ai triplé mon salaire comme la Vanna. Je roule en franchou dans toute la ville, je suis passé récup' ma blonde vers boulevard Chaff. Sur les qui tapent, je suis sur ma macadam, j'ai mis trois fois filtré dans la massa. J'ai le bon Frozen, ça pire et que ça aïen, je tartine la piste. Elle m'a vu dans le 4 Magic, à la 1000 Chanel, sa mère, je la grippe. On fait des sous tant que ça rapporte, je suis dans le 12ème rapport. J'ai les yeux rouges devant la passade, j'ai caché que tru devant les ports. Aïe, tout l'été, je suis fire. Il me faut le Gaïa, pour le Gaïa. Aïe, tout l'été, je suis fire. Il me faut le Gaïa, pour le Gaïa. Fall in love, fall in love, la bla bla bla bla, fall in love. Fall in love, la bla bla bla bla, fall in love. Fall in love, la bla bla bla bla, fall in love. Je deviens fou, je ressens le manque de sous. Je deviens fou, je picole et je vois fou. Éliminer c'est le but, escalier dans les parages. Passer dans la gare, métal posé dans le garage. Fais des sous pour me barrer, faut passer le barrage. Déposer la calache, je rappe et je m'arrache. Le bien et le mal comme le ying et le yang. Peu frato, pas meyang, reviens chargé d'Hollande. Les bras liés avec le bras long. Je mouille le maillot bleu et blanc comme Allende. Je parle mais t'as esquivé la lucarne, on a visé par du montant. Allez vis, certains des prochains sur les civets. Si ça finit sur la civière, promis je vais marquer. Dédicace à l'OVNI, merci pour la pasté. Les vrais et les commis, le clock et le chromi. T'as écrit un roman, t'as fini en remis. Le code de la cahier, même si c'est pas permis, c'est précieux. J'suis pressé, j'fais tout pour être précieux. J'suis malade, ça tire, ça crie toute la night. J'vise la plaque, je cherche d'empêche sur ma life. La parole est importante, j'ai tout pour être précis. À trop de signes, du moins les du bien dans la thèse. Que chercher à résine, frérot, tout est possible. Je souris, que des Kevin me niquer mon plaisir. Ça peut finir avec balle dans le corps. 6h, ça défonce ta porte. Plus possible de mettre tout le monde d'accord. Marseille, tu connais, c'est bien trop hardcore. Pire, pire, frérot, y'a toujours pire. N'invente pas d'histoire, dis pas que tu tires. Tire, très loin de la routine. On se débrouille, faut investir. Je suis pas un cortège, Améry sur le dos. Je peux que tenir mes promesses, que tu m'aimes ou pas. Je reste, je vais écouler plusieurs G. Mon chou gros, ce qu'elle aime, c'est la couleur du papier. Double G jusqu'au pied, c'est l'été, on se maintient. Un bolide, un aileron, et je devais un mec bien. Tout se passe bien, tu veux t'allier. Mais persévérer, c'est pas de toi, alors à août. Dégage tout tes révises comme Xavi Iniesta en ravivé ravi. Toute la city frozen capsule de Cali. Comme Medellin, Zimbian, Frivalo, jusque Zombrelle, c'est la Cali du 14 à Problème les archéillettes, je les entasse à la maison. Je manquais pas de répartie quand les condés faisaient descendre. Une réelle haine qui est naissante, je les aime tous obéissantes. Je fais crier le RS3 dans les putains de terrains glissants. Cœur déchiré comme tapisserie, à chaque fois que je m'en sors, ça s'empire. Une haine toute noire comme fond d'abysse. Des heures dans le bol qui sentent la pisse. Quand on signe, c'est pour la vie. Toujours prêt à prendre des grosses peines. Faut que je me rapproche. de la scène. L'ancien, je demande plus son avis. Je deviens fou, je ressens le manque de sous. Je deviens fou, je picole et je vois flou. Aïe, tout l'été, je suis faïa. Il me faut le cahier. Je deviens fou, je